Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party. Tu peux me griller en ville avec tes blagues, une glace. Et à côté de moi, deux pillages avec tes glasses. J't'ai tapé dans l'œil, toi-même tu sais. Tu veux tester, bah garde la chose pesée. Et si personne n'arrive à la semelle de ma clique, tu peux m'appeler Ronaldinho tellement j'ai de technique. Avoue que tu kiffes quand ça sonne daddy daddy. Même si j'ai pesé le rap sans capote, appelle-moi daddy. J'découpe l'instru, appelle-moi scalpel. J'range la gueule des faux MC, appelle les Scarface. Le rap du luxe est chelou, comme un couplet de Tony Parker. T'es lapin en retard, j'viens mettre les pendules à l'heure. Toi-même tu sais qui sont les vrais dans ce rap game. Au luxe, beaucoup de merde par respect, j'dirais pas de name. Mais bon, j'pense que tu reconnais les faux groupes. Ça rappe mal, ça vend pas et ça a que 2-3 groupies. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Après cette trappe, les jaloux vont maigrir. On se connaît pas alors sur MySpace, viens même pas m'écrire. Tu rappes mal, je m'en bats les couilles. Mon rap sort du trou pendant que le tien rouille. Je crache des douilles, ramène une instru que je lui fasse des dégâts. Tu voulais tester, tu peux pas, eh hey ouais, t'es trop dégâts. Les instrus aiment que je les kick, qu'elles sont sadomaso. Roule un peu mano, j'ai pas encore ma dose. T'es séduit à chaque track, mais sont séduit à chaque track. Mes sons sont ceux qui te mettent en frac. Les gars clash, et après je chie dessus. Je nique tous les faux, j'espère que le message est bien reçu. Ton rappeur favori, il a changé de plage. À mettre les points sur les i et les biatch à leur place. Toi-même tu sais, c'est qui. C'est le flow qui défonce plus que 4 litres de whisky. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash, hit him, make the party riot. Check the swag out flash,